C'est le dernier épisode d'écoute des bruiteurs de Kiko et Seva. Et je vais donc tout de suite. Est-ce que tu veux une intro des intros ou je peux le passer Non, on peut simplement noter que le concert de Kiko et Seva a été donné hier dans le salon d'écoute. Et puis, je crois que ce sera l'objet d'une partie du récap de la veille qu'on va entendre. Après, donc écoutons attentivement ce dernier bruiteur. Et puis, comme je l'ai dit, ces bruiteurs ont été édités dans une micro-édition de cassette. Donc on peut imaginer entendre la collection entière. Et voici. Bruiteur, Kiko et Seva. Aujourd'hui, A16, trompe, timbre d'escrime. Et voilà, c'était le dernier bruiteur écouté ici, en tout cas sur Radiozine. Voilà, et donc c'est pour juste donner quelques renseignements supplémentaires, c'était une micro-édition, ça fait partie d'une micro-édition qui a été